gare. Si les cités brûlent, c'est que la vie brûle dans 9-3. La merde s'est répandue, si on reste à rien faire, on finira pendu. Ici c'est la merde, ici c'est 9-3. 9-3 c'est pas ce qu'on croit, l'argent on croise le fer. Chaque jour on croise le fer, ici c'est l'enfer. On nous enferme dans des ghettos sans gaieté, on fait que de guetter les keufs, hein. Les meufs, les viettas, nos grosses. Les mêmes récits débiles qu'on débite par débit. Nous décline, on les décime par centaines. Nous destine à la mort, futur manque qui se dessine. On décide, pas on y assiste. On nous assigne aux assises, c'est le racisme qui persiste. Les condés qu'on déteste, mettent en détresse les frères détestent. Qui se déstressent dans la défense, seule réponse on est sans défense. Bien qu'on se dépense, notre sens répand, nos réponses en repent, mais on peut plus réparer. Ouais. C'est l'effroi des voix, c'est vrai, ça effraie. Tous ces faits divers qui défraient, la chronique, on se défait. Pas de nos défauts et c'est grave, ça s'aggrave. On en bave déjà assez, faut pas qu'on se déprave. Bicrave, on brave la loi, mais qu'est-ce qu'ils croient? Pour du taf, on boite. 9-3, la même merde, les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la caisse, on se teste, et pour finir, on se déteste. 9-3, la même merde. Les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la tête. On se teste, et pour finir, on se déteste. De notre département, chaque mec quitte l'appartement. Les points d'écartement, compte de notre écartement. Fait qu'on domine chaque domaine, on a déjà franchi. Y'a du pèse à blanchir, on est des affranchis. Y'a personne d'honnête dans le 9-3 des cons. Qui crave nos savonnettes, les cœurs froids des cons sont dégoûtés. Font tout pour nous faire dérouter notre fortune. On te coupe la trache et l'artère. Alors si t'as pas de couilles, faut t'arracher carter. Là où on a grandi et où on a craché par terre. Et en délibérant sur les délirants, nous compte, on se rend compte qu'on est devenu belligérant. Ici, y'a que des faits divers comme notification. Faut faire des modifications. En Seine-Saint-Denis, codification. 9-3 et t'étonnes pas si tu retrouves ta voiture 9 broyée. C'est parce que l'État n'a pas tenu toutes ses promesses octroyées. Du mytho que les refs croyaient. 9-3, la même merde. Les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la tête, on se teste, et pour finir, on se déteste. 9-3, la même merde. Les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la tête, on se teste, et pour finir, on se déteste. Ma cité va craquer, ma cité est traquée par les condés, par la haine inondée. Les gamins respirent le salaire, tu connais le refrain, refrain. 9-3, la même merde, destin jusqu'à Bondy. C'est le destin qu'on a voulu ainsi, j'insiste. C'est la maille qui m'incite à faire des conneries. J'flippe, c'est la merde, c'est pas un clip, c'est méprisant. À présent, à 13 ans, on parle d'argent et de gun. Mais dis-moi qu'est-ce qu'on gagne, à part 10 mois de tôle. On sait qui sont les proies, hasard noir. Ici tous les chemins sont étroits. Tu sais c'est où 9-3, y'a rien, c'est froid. Pour les voyous et gosses, la vie ne veut plus rien dire. C'est la guerre jusqu'en Yougoslavie. On finira par régner, par aimer ce monde. Sous des parraines et tristesse. Parrainé par les anciens, on tend les critesses. Si on se nique, on finira en chien. C'est pas notre faute si les cow-boys nous prennent pour des cobayes. On esquive la police, on évite les coups de matraque pour garder la police. Ah. 9-3, la même merde, les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la tête, on se teste, et pour finir, on se déteste. 9-3, la même merde, les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la tête, on se teste, et pour finir, on se déteste. 9-3, la même merde, les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la caisse, on se teste. Et pour finir, on se déteste. 9-3, la même merde, les mêmes qui perdent, les mêmes qui servent dans la caisse, les mêmes qu'encaissent. Et pour nous, qu'est-ce qui reste? Rien, à part la caisse, on se teste. Et pour finir, on se déteste. 9-3.